J'ai passé la nuit debout, dans le noir et l'impatience, à me souvenir de vous, de vos mains, de vos silences. Ah, j'étais si jeune alors, je ne comprenais pas grand chose, je n'aimais que votre corps beau, jouant de rose. J'ai passé dans vos genoux plus de temps que nécessaire, et votre sourire est flou, votre voix n'est plus si claire. J'étais aveugle alors, je marchais vers la lumière, je ne croyais pas à la mort, les mots je ne savais qu'en faire. Oh, êtes-vous, maintenant que je pourrais vous aimer. Où êtes-vous, maintenant que j'ai besoin de vous. J'ai passé la nuit debout, à chercher votre visage. Vous aviez des mots trop lourds, je ne connaissais que la rage. Ah, j'étais si bien alors, que je ne voulais rien entendre. Le désir était si fort que je m'en rendais à l'envers. J'ai dansé pensant à vous. Après toutes ces années pleines, je n'ai rien trouvé du tout, rien qui n'en valut la peine. Le monde était alors un océan de promesses, et je croyais être fort, j'étais sans délicatesse. Où êtes-vous, maintenant que j'ai besoin de vous. Où êtes-vous, j'ai passé la nuit debout, loin du bruit du déshonneur, loin du soin, du dégoût, et ce fut un vrai bonheur. Ah, je vous revois hier, agitant votre mouchoir, mais j'avais tellement, tellement à peur, je nourrissais de tant d'espoir.